Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la renaissance du Ku Klux Klan aux États-Unis et son arrivée au Canada dans les années 20. C'est ni plus ni moins durant la même période, c'est-à-dire durant la période d'expansion aux États-Unis, durant les années 20, que le Ku Klux Klan est d'abord et avant tout apparu au Canada. Et nous voyons la présence du KKK d'abord et avant tout, et ça peut en surprendre quelques-uns, à Montréal. Et par la suite, c'est propagé dans d'autres régions du pays, comme exemple en 1922, nous voyons le KKK apparaître en Colombie-Britannique, où l'emphase sera placée sur l'immigration asiatique, c'est-à-dire des Chinois en particulier. Le recrutement va se poursuivre au Nouveau-Brunswick, dans la province de l'Ontario, en 1923, comme exemple, mais avec très peu de succès. Pour l'historien André Lalonde, l'arrivée du Ku Klux Klan au Canada dans les années 20 reste donc assez marginale, sauf peut-être, étrangement, André Lalonde, qu'on entend à l'émission Histoire de la Saskatchewan en 1980, sauf peut-être, justement, dans cette province de la Saskatchewan. À la fin des années 20, on estime que le Ku Klux Klan va regrouper 40 000 membres dans cette province des prairies. Aux États-Unis, à la même époque, l'organisation rassemble entre 4 et 6 millions de membres. Premièrement, je pense qu'il faut voir l'évolution du Ku Klux Klan aux États-Unis. Ça avait commencé, comme tu l'as mentionné, contre les Noirs dans le sud des États-Unis. Mais au début du 20e siècle, à cause de l'immigration qui était très rapide, qui se faisait très rapidement aux États-Unis, il y a également des sentiments qui se développent dans le Midwest américain, dans les États de l'Ohio, de l'Illinois, etc., contre tous les immigrants, que ce soit des immigrants ukrainiens, polonais, italiens, etc. Et encore une fois, c'est un petit peu cette mentalité anglo-saxonne qui nous laisse supposer que les seuls bons immigrants, ce sont des immigrants de souche anglaise, protestante, etc. Et donc ça commence un petit peu dans le Midwest américain au début du 20e siècle. Et par les années 20, bien, le Ku Klux Klan a plus ou moins, il manque de vapeur aux États-Unis. Et c'est pour cette raison qu'il y en a qui tournent le regard vers le Canada. Et la Saskatchewan, qui, à ce moment-là, dans les années 20, est une des provinces les plus prospères au Canada. On dit qu'elle est troisième au niveau d'importance après l'Ontario et le Québec. Eh bien, c'est tout à fait naturel qu'ils tourneraient leur attention vers la Saskatchewan. L'historien Laurier Garreau à l'émission Jour de plaine en décembre 2001, pour nous parler du retour du Ku Klux Klan aux États-Unis et de son arrivée au Canada dans les années 20, je reçois Harold Bérubé, professeur d'histoire à l'Université de Sherbrooke. Harold Bérubé, bonjour. Bonjour. En quoi ce Ku Klux Klan des années 20est-il différent d'abord de celui qui naît au 19e siècle autour de la guerre de sécession? Oui, d'abord dans la forme, les aspects plus théâtraux qu'on associe au KKK vont apparaître à ce moment-là suite au film de Griffith, The Birth of a Nation. Mais c'est surtout la différence, c'est le nombre. L'organisation va toujours rester relativement marginale en termes d'effectifs, sauf durant cette période-là où, là, tout à coup, pendant un bref moment, le KKK devient vraiment quelque chose de je serais pas légitime. En tout cas, il entre dans la société par la grande porte et là, réunit un nombre de membres absolument hallucinant. Des millions de membres aux États-Unis, exact. 40 000 quand même dans une province comme la Saskatchewan au Canada. Oui, absolument. Et 7 ans aussi, Laurier Garreau le disait, mais autant celui, le KKK première mouture, celui du 19e siècle, c'est le sud des États-Unis. Oui. C'est un mouvement qui cible les Noirs. Là, c'est autre chose. On cible l'immigration, on est dans les grandes villes. Oui, absolument. Donc, le premier KKK, vraiment le sud, puis même les suivants dans les années 50-60 et par la suite, le KKK retourne un peu dans ses assises dans le sud des États-Unis. Mais durant les années 20, là, vraiment, il se répand à travers le Midwest en particulier aux États-Unis. Et lorsqu'il passe la frontière justement du côté canadien, c'est vraiment poursuivant sur cette logique géographique. Ouais. Et c'est surtout en Saskatchewan là, qu'il va connaître ses heures de gloire en territoire canadien. Est-ce qu'il y a des points de similitude, Harold Bérubé, entre ce KKK nouveau des années 20, mm-hmm. qui est entre autres urbain, qui vise l'immigration, pas que les Noirs, et les mouvements politiques de droite qui émergent depuis quelques années en Amérique, en Europe aussi, ces partis politiques, par exemple, anti-immigration. Est-ce qu'il y a des points de ressemblance? Oui, absolument. Comme historien, on se méfie toujours de ce genre de parallèles, mais dans ce cas-ci, les parallèles sont assez frappants. On a un contexte dans les années 20 vraiment de transformation, d'immigration, les choses, les valeurs culturelles changent très rapidement au niveau de la consommation aussi. Puis cette montée soudaine du KKK peut apparaître vraiment comme une réaction des franges plus conservatrices de la société à tous ces bouleversements. Puis on voit quelque chose d'un peu similaire avec l'électorat qu'a rassemblé Trump lors de son élection en 2016. Donc des blancs plutôt éduqués quand même, des gens de classe moyenne, là, pas des déclassés ou des ruraux. Et évidemment aussi, on le voit dans la montée là, d'une certaine droite là, qui s'est manifestée à Charlottesville en 2017. Là, il y a un peu ce même rassemblement, si vous voulez, là, de forces justement nationalistes de droite suprémaciste. La pulsion ressemble un peu à ce qu'on voyait dans les années 20. Oui, absolument. Ouais. Parlons des origines, en fait. Revenons au KKK Première Mouture, celui qui émerge au 19e siècle autour de la guerre de sécession. Dans quel contexte naît ce mouvement-là? Oui, donc c'est vraiment une réaction à la guerre de sécession. Et donc le KKK va prendre racine au Tennessee, vraiment dans les mois qui suivent la fin de la guerre de sécession. D'abord sous la forme d'une sorte de old boys club d'officiers sudistes, mais rapidement va prendre une forme qui nous est plus familière, c'est-à-dire un certain nombre de groupes, de chapitres, dont le but est d'abord de lutter par la violence, par l'intimidation, aux efforts donc de ce qu'on appelle la reconstruction, là, c'est-à-dire d'essayer de mettre fin à la ségrégation, de mettre fin un peu aux séquelles de l'esclavage et tout ça. Donc le KKK s'organise vraiment en fonction de cet agenda-là et de ramener, en fait, de défendre le suprémacisme blanc là, et la ségrégation qui caractérisait la situation avant la guerre de sécession. Ouais. Ça ne va pas durer longtemps. Non. Il va disparaître assez vite, oui. Ce KKK Première Mouture. Pourquoi? Il y a toute une série de facteurs qui convergent. D'une part, il y a des gens même au Sud qui se plaignent un peu des actions spectaculaires et violentes du KKK et qui craignent que le KKK devienne une sorte de caution pour le gouvernement fédéral pour maintenir sa présence. Les incidents violents justifient la présence donc du gouvernement. Il faut dire que le gouvernement fédéral s'aperçoit rapidement de la menace puis va commencer à réprimer le mouvement assez fortement. Donc, il y a des centaines d'arrestations, des condamnations. Donc, on déploie là, vraiment, on adopte des lois à l'époque. Il y a une loi qui cible spécifiquement le KKK. Donc, c'est vraiment l'action du gouvernement fédéral va écraser l'organisation au début des années 1870. Puis, le KKK disparaît là, presque entièrement de la carte. Vous faites bien de le rappeler, mais c'est la fin. Cette guerre-là vient de se terminer. Donc, oui. Il y a encore des militaires. On est dans cet état d'esprit là, d'occupation du Nord qui occupe le Sud, au fond. Oui, puis il s'agit, donc, comme l'esclavage est aboli, il s'agit de réinstaurer les frontières raciales entre Noirs et Blancs par la violence, par l'intimidation. Donc, c'est un phénomène vraiment localisé dans le Sud des États-Unis et qui sert, là, comme ça, à défendre l'ordre ancien au-delà, justement, de la défaite de 1865. The birth of a nation sparked a revival of the Ku Klux Klan in the 1920s. La naissance d'une nation a été l'étincelle derrière la renaissance du Ku Klux Klan au cours des années 20. Leur idéologie de la suprématie des Blancs et de ce qu'ils appelaient l'américanisme à 100% a eu des échos à travers le pays. Resonated across the country. The Klan of the 1920s was not a rural clan. Le Klan des années 20 n'était pas un clan rural comme il l'était à l'origine. Le clan des années 20 était important dans plusieurs endroits surprenants, comme Denver, Portland ou Détroit, qui avaient tous connu d'importantes vagues d'immigration de catholiques européens et de Noirs venus du Sud. Both of Catholics from Europe and of African Americans coming from the South. In 1925, en 1925, 50 000 hommes et femmes du clan se rassemblent à Washington. 4 millions d'Américains revendiquent alors leur adhésion au clan. 4 million Americans claimed clan membership. Extrait du documentaire Klansville USA diffusé au réseau PBS en janvier 2015. On en a une petite idée en écoutant cet extrait, mais à quoi ça ressemble ce KKK nouveau des années 20 à Harold Bérubé? Et comment, les chiffres impressionnants, là, 50 000 manifestants à Washington, comment expliquer la popularité que va avoir ce KKK nouveau des années 20? Oui, bien, c'est ça, la renaissance du KKK, quelque chose de vraiment surprenant là, sur papier. Et donc, c'est vraiment en réaction au film de Griffith, The Birth of a Nation, qu'un pasteur là, évangélique du Sud, un monsieur William Simmons, va entreprendre la reconstitution du clan. Griffith s'était beaucoup inspiré de l'imagerie, notamment de l'imagerie qui était cherchée en Écosse, les fameuses croix qui brûlent. Oui. qu'on n'utilisait pas du tout en 1860-1870. C'est vraiment quelque chose qui vient du film que Griffith est allé chercher ailleurs. Et Simmons va s'inspirer de ça, de la tenue des cavaliers là, qui sont présentés comme donc des chevaliers. Donc le rituel, chevaliers. Tout ça, ça vient du film. En bonne partie, en tout cas. C'est ce qui est étonnant, dans le fond. Simmons s'inspire beaucoup plus du film que du Kokoka des années 1870 pour faire renaître ce groupe-là. Il faut dire qu'entre 1915-1920, le Kokoka n'a pas beaucoup de succès dans sa renaissance. Ça va changer en 1920. Là. Simmons va chercher deux spécialistes de relations publiques, une femme, Elizabeth Tyler, et un homme, Edward Clark, et les charge en quelque sorte des relations publiques du clan. Et là, ça va changer. Le faire du recrutement. Oui, exactement. Ouais. Et là, ça va changer parce qu'il change le message. C'est plus le Kokoka d'antan qui est entièrement centré sur la question raciale. Il va diversifier, moderniser son message, et c'est ce qui explique qu'on va atteindre de tels chiffres, là, donc aller chercher jusqu'à 4 millions, voire 6 millions de membres, là, selon certaines sources. Donc, une cible élargie, plus seulement les Noirs. On l'entendait dans l'extrait, vous en parliez un peu aussi, mais tout ce qui est... beaucoup la question de la religion, hein, les catholiques qui vont déranger beaucoup. Les Juifs aussi. Les Juifs. Oui, on va tirer dans toutes les directions. Donc, les Juifs, les catholiques, donc les groupes religieux qui ne sont pas protestants. On s'attaque également aux bons vieux communistes, aux organisations syndicales. On s'attaque aux féministes aussi. Donc, tout ce qui incarne un peu la modernité, tout ce qui met en péril cette image d'un certain ordre ancien, très WASP, là, tout ça entre dans la ligne de tir du KKK. Et c'est ce qui va lui donner une certaine légitimité. Il essaie en tout cas de se dissocier de son passé raciste, violent, et de donner le change un peu en montrant là, qu'il est le gardien des valeurs d'une certaine Amérique profonde. Et ce qui va lui permettre de s'infiltrer dans les grands centres urbains. Ça aussi, ça n'a rien à voir avec le KKK du 19e siècle. Non, absolument. Il entre dans la bonne société. Hein. C'est ce qui est frappant quand on regarde le membership. Une certaine historiographie plus vieillotte s'imaginait que ce KKK-là était quand même allé chercher encore une fois au milieu rural, des blancs déclassés, tout ça. Mais depuis les années 70, on a des chiffres et des données un peu plus probantes sur le membership, hein, qui était secret jusqu'à un certain point. Et là, ce qu'on voit, c'est des gens de classe moyenne, plutôt éduqués, protestants, évidemment, plutôt conservateurs. Une partie très importante du membership est urbain. On parle de jusqu'à 50 000 membres dans la seule ville de Chicago, qui avait pourtant une réputation de ville plutôt ouverte et tolérante là, avant la Première Guerre mondiale. Et même si ce KKK nouveau des années 20 ne cible plus que les Noirs, il reste, Harold Berubic, la question raciale est centrale dans l'action de ce mouvement-là. Il y a des tensions raciales qui sont très importantes dans les années 20. Quelle forme ça prend, ces tensions-là? Oui, donc cette émergence du KKK réagit à toutes sortes d'éléments de contexte des années 20, mais notamment la question raciale demeure toujours là. Et donc, au début du 20e siècle, on a ce qu'on appelle la grande migration, et beaucoup de Noirs quittent le Sud vers le Nord, vers les grandes villes industrielles. Et à ce moment-là, ça remet en question toutes sortes d'équilibres qui avaient été mis en place en termes de ségrégation, d'équilibre entre les quartiers et tout ça de pratique. Et notamment, ça provoque un certain nombre d'émeutes, spécialement en 1919. L'été 1919 est particulièrement violent à ce niveau-là. Il y a toute une série d'émeutes à travers les États-Unis, dans le Sud comme dans le Nord. La plus meurtrière est à Chicago, justement en 1919, là, fait 38 morts. Et ce qui est particulier de ces émeutes-là, c'est qu'alors que par le passé, les violences contre les Noirs étaient souvent l'initiative de Blancs, puis les Noirs étaient un peu les victimes passives de cette violence-là, plusieurs de ces émeutes-là sont des communautés afro-américaines qui réagissent pour une première fois assez violemment à des persécutions comme ça. Et dans le cas de Chicago, c'est un Blanc qui lançait des roches à des Noirs sur une plage ségrégée qui va mener à la noyade d'un des Noirs. Et donc, les gens vont réagir puisque les tribunaux vont... en fait, on va innocenter le Blanc et plutôt accuser un Noir. Là. Et donc, ça provoque donc ce genre de réaction. Et là, du côté Blanc, on va s'inquiéter de ce soulèvement donc des Afro-Américains. Et l'émergence du KKK apparaît comme une de ces réactions à une communauté afro-américaine qui relève la tête, finalement, après toutes ces années. Mais comme au 19e siècle, ce KKK des années 20 va assez rapidement décliner. Pourquoi? Oui, donc il connaît ses heures de gloire en 24-25, où il atteint ce 4 à 6 millions de membres. Les choses ont commencé à mal aller à partir de 25. Il y a plusieurs raisons. Une raison, évidemment, c'est qu'il y a une mobilisation, encore une fois, de la société civile et du gouvernement. On s'inquiète, évidemment, de cette grande popularité du KKK. La NAACP et la Ligue anti-diffamation, là, qui est plutôt animée par la communauté juive, attaquent en justice, attaquent au niveau politique le KKK. Et il faut dire aussi qu'il y a des histoires sordides qui viennent remettre un peu en question l'image de loi et ordre moral, etc., que se donne le KKK. Là. Notamment, un des hauts responsables en Indiana est accusé dans une histoire sordide de séquestration, viol et meurtre d'une jeune enseignante. Donc, tout ça vient vraiment ruiner cette image d'un KKK qui essayait de se donner une légitimité, d'apparaître comme une société fraternelle comme les autres. Et de gardien de la vertu. Oui, exact. Une certaine vertu, évidemment. Tout à fait, tout à fait. Donc, les choses ont rapidement décliné dans la deuxième moitié des années 20. Au début des années 30, le KKK est retourné à des nombres très, très réduits. Là, on parle d'à peu près 30 000 membres et on le retrouve surtout dans le Sud. Ouais. Venons-en à... parce qu'il revient donc, ce KKK aux États-Unis dans les années 20. Il arrive au Canada parce qu'il n'y avait pas eu de KKK au 19e siècle chez nous. Il va être présent dans pas mal de provinces, mais dans une province surtout, ça devient même un cas quand on fait l'histoire du KKK chez nous, le cas de la Saskatchewan. Oui. On écoute à nouveau l'historien Laurier Garreau à l'émission Jour de plaine en décembre 2001. Il nous parle de la popularité justement du Ku Klux Klan en Saskatchewan dans les années 1920. Ils ont beaucoup de facilité, en effet, à recruter des membres. Ils commencent dans les grandes villes, Regina, Moose Jaw. Moose Jaw, par exemple, à un moment donné, on a organisé une grosse démonstration publique où on a brûlé une croix dans la ville. Et il y avait entre 500 et 1000 personnes qui ont assisté à cette manifestation-là. Et la plupart de ces gens-là, encouragés par les membres du clergé protestant, du clergé baptiste, anglican, presbytère, etc., se garrochaient justement pour acheter une carte de membre dans le Ku Klux Klan. Et ensuite, le mouvement se répand dans des plus petites communautés et on voit une influence du Ku Klux Klan dans des communautés comme Radville, qui avait quand même une assez forte population francophone à cette époque-là. Et même dans des régions comme Gravelbourg, parce qu'une des cellules peut-être les plus puissantes, c'était celle de Woodrow, qui est tout près de la flèche Gravelbourg-Mehron, et qu'on dit qu'à Woodrow, environ 95 % de la population de cette petite communauté était membre du Ku Klux Klan. Alors, pourquoi le KKK est si populaire dans les années 20 en Saskatchewan, à Rouyn-Noranda? C'est une bonne question. C'est un phénomène qui est un peu étonnant, compte tenu des origines du KKK. Donc, et ça témoigne de sa vitalité vraiment extraordinaire dans les années 20. Donc, pourquoi passe-t-il la frontière avec autant de succès? Des éléments de contexte locaux qui jouent là, au-delà de ce que j'ai décrit tout à l'heure, hein, le fait que les années 20, ça brasse et tout ça, il y a des gens qui réagissent à différentes manifestations de cette modernité. Quelque chose qui est typiquement canadien, c'est notamment la création de l'Église unie du Canada en 1925. À ce moment-là, plusieurs dénominations protestantes, les plus progressistes, celles qu'on associe à ce qu'on appelle le social gospel, donc un protestantisme de gauche, si on veut, donc s'unissent ensemble. Et pour plusieurs congrégations protestantes qui n'embarquent pas évidemment dans ce mouvement-là, il y a un phénomène de polarisation. C'est-à-dire que comme les congrégations les plus à gauche sont parties de leur côté, les congrégations les plus conservatrices se sentent un peu laissées de côté. Et vont être franchement de franches collaboratrices dans l'implantation du KKK, donc en Saskatchewan, dans cette logique géographique dont je parlais. Et à ce moment-là, le KKK va très bien s'adapter en quelque sorte au contexte canadien. On l'a vu tout à l'heure, comment dans le cas américain, on élargit le message pour aller chercher un plus large membership. On fait exactement la même chose au Canada. On attaque les papistes, donc les catholiques. Les on s'attaque aux francophones également. On s'attaque aux juifs, évidemment, à l'immigration en général. On prétend défendre le caractère anglo-saxon et britannique du Canada. On s'oppose à l'immigration, on fait la promotion de la prohibition. Donc, on va élargir le message pour, comme ça, s'inscrire dans une sorte d'écosystème là, des sociétés fraternelles qui est déjà bien présente au Canada, comme l'Ordre d'Orange. Et le KKK a beaucoup de succès en tout simplement se greffant à ce réseau-là dans un contexte qui lui est favorable. Et dans le cas de la Saskatchewan, les conservateurs, le KKK, en fait, va faire bon ménage. Ils se soutiendront l'un l'autre, en fait, KKK et Parti conservateur. En préparant l'émission, je disais que l'élection de 1929. Les conservateurs chassent les libéraux en Saskatchewan en 1929, beaucoup grâce à cet appui des militants du KKK. Puis étrangement, comme ils prennent le pouvoir, ils sont au pouvoir, ils mettent des politiques qui satisfont ces membres du KKK et c'est le début de la fin. Oui, oui. Bien, c'est un peu ce qu'on voit du côté américain aussi. Donc, au niveau de ces activités durant cette période-là, un peu le terrorisme, parce qu'il faut l'appeler comme ça, là, qu'on voyait dans les années 1860-1870, d'aller terrifier les communautés noires en brûlant des bâtiments et tout ça. Tout ça se poursuit dans le sud des États-Unis en milieu rural, mais en milieu urbain, le Coca-Cola ne fait pas ça, tant aux États-Unis qu'au Canada. Au contraire, il fait comme ça du lobbying auprès des politiciens. On essaie de se mettre en position un peu de faiseur de roi, de faire avancer un certain nombre de politiques. Et on voit un peu ce phénomène-là. Là où ils réussissent, parfois justement, ensuite, on les écarte. Puis plusieurs de ces gens qui s'impliquent dans le Coca-Cola à l'époque, elles sont un peu des arrivistes. Là. Ils n'achètent pas tout le programme. Ouais. Ils voient la popularité du Coca-Cola, en profitent et veulent aller chercher l'électorat qui est associé à ce groupe-là. Mais ça va, encore une fois, on l'a souligné, comme au 19e siècle, s'estomper assez vite ce regain de popularité du Coca-Cola dans les années 20. Puis il y aura une petite remontée dans les années 50-60 qui va correspondre évidemment au mouvement des droits civiques aux États-Unis. Extrait d'un reportage de Judith Jasmin à ce sujet à l'émission Champ libre en novembre 1963. Même si le Klan a perdu de son efficacité, les notables qui en font encore partie n'en approuvent pas moins la loi du lynch, la chasse aux nègres, les exécutions sommaires et les croix brûlées. I am Calvin Craig, Grand Dragon of Georgia. Cet homme décline son titre. C'est le grand dragon du Ku Klux Klan de l'État de Géorgie. Vous devez comprendre, dit-il, que le Klan est l'œuvre des hommes blancs et qu'il est fondamentalement américain. Les Juifs n'y sont pas admis, car pour faire partie du Klan, il faut être un gentil et de plus être protestant. Les principes du Klan s'énumèrent ainsi. L'américanisme, le christianisme et la défense de la foi et de l'ordre moral qui, de nos jours, sont remis en question. Des gens qui se trompent d'époque, les nazis américains croient encore aux théories d'Hitler sur la pureté des races. Ils sont aussi antisémites qu'anti-noirs et s'opposent à toute forme d'intégration. Leurs manifestations, même si elles ne rallient pas beaucoup de partisans, évoquent le temps du ghetto et des fours crématoires. Une graine qu'il ne faut pas laisser germer. À quelle force, quelle forme va prendre le KKK dans ce mouvement, au moment du mouvement des droits civiques aux États-Unis dans les années 50-60, Harold Bérubé? Il faut pas en minimiser l'impact, mais par rapport à ce qui est arrivé dans les années 20, il n'est plus que l'ombre de lui-même, en quelque sorte, dans les années 50-60. On parle d'un troisième clan, d'un troisième temps du clan. À son plus fort, il va réunir 70 000, 80 000 peut-être membres. Il est vraiment du 4 à 6 millions de membres des années 20. Oui, puis là, on se fait plus d'illusions. Il est clairement associé à cette ségrégation, à l'utilisation de la violence, au sud des États-Unis, donc il revient à ce niveau-là. Il est quand même très actif pour lutter contre les droits civiques, mais il ne connaîtra jamais la gloire, si on veut, d'antan. Il ne retrouvera jamais les effectifs. Un dernier sursaut du racisme blanc face à... Parce que là, c'est les Noirs qui font des gains, en fait, législatifs. Oui. Donc, c'est comme un dernier sursaut. Oui, quand même assez violent, il faut le dire. Il y a beaucoup de lynchage et tout ça, mais on ne parvient plus à revenir dans les classes, en fait, dans l'élite, dans la bonne société, là, dans le Nord ou dans le Midwest. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore des traces d'une façon ou d'une autre du KKK? Oui, absolument. Ils sont encore là. Et on a vu leur grand dragon appuyer Trump lors des élections de 2016. Et ils sont encore là, mais c'est une présence qu'on pourrait qualifier un peu de folklorique, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus qu'une composante dans une vaste nébuleuse de ce qu'on appelle l'alt-right. Il y a beaucoup d'autres mouvements qui ont repris un peu le flambeau. Le KKK apparaît presque comme, folklorique, comme organisation. Harold Bérubé, habitué de l'émission, professeur d'histoire à l'Université de Sherbrooke. Toujours un plaisir de vous recevoir. Merci, Harold. Merci. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et Éric Saint-Pierre, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Ronald Georges, à la technique aujourd'hui Laurie Vachon. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.